Chapitre 6 du livre troisième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine, livre troisième, en l'année 1817, chapitre 6. Chapitre où l'on s'adore. Propos de table et propos d'amour. Les uns sont aussi insaisissables que les autres. Les propos d'amour sont dénués. Les propos de table sont défumés. Fameuil et Dahlia fredonnaient. Tholomyès buvait. Zéphine riait. Fantine souriait. Listolier soufflait dans une trompette de bois achetée à Saint-Cloud. Favourite regardait tendrement Blachevelle et disait « Blachevelle, je t'adore. » Ceci amena une question de Blachevelle. « Qu'est-ce que tu ferais, Favourite, si je cessais de t'aimer ?»« Moi ?» s'écria Favourite. « Ah, ne dis pas cela, même pour rire, si tu cessais de m'aimer, je te sauterai après, je te grifferai, je te gratignerai, je te jetterai de l'eau, je te ferai arrêter. » Blachevelle sourit avec la fatuité voluptueuse d'un homme chatouillé à l'amour-propre. Favourite reprit. « Oui, je crierai à la garde. Ah, je me gênerai, par exemple, canaille. » Blachevelle, extasié, se renversa sur sa chaise et ferma orgueilleusement les deux yeux. Dahlia, tout en mangeant, dit bas à Favourite dans le brouhaha. « Tu l'idolâtres donc bien, ton Blachevelle ?»« Moi, je le déteste, » répondit Favourite du même ton en ressaisissant sa fourchette. « Il est avare. J'aime le petit d'en face de chez moi. Il est très bien, ce jeune homme-là. Le connais-tu ? » On voit qu'il a le genre d'être acteur. J'aime les acteurs. Sitôt qu'il rentre, sa mère dit « Ah, mon Dieu, ma tranquillité est perdue. Le voilà qui va crier. Mais mon ami, tu me casses la tête. » Parce qu'il va dans la maison, dans des greniers à rats, dans des trous noirs, si haut qu'il peut monter, et chanter et déclamer, est-ce que je sais, moi, qu'on l'entend d'en bas. Il gagne déjà 20 sous par jour chez un avoué à écrire de la chicane. Il est fils d'un ancien chantre de Saint-Jacques du Haut-Pas. Ah, il est très bien. Il m'idolâtre tant qu'un jour qu'il me voyait faire de la pâte pour des crêpes, il m'a dit « Mamselle, faites des beignets de vos gants et je les mangerai. » Il n'y a que les artistes pour dire des choses comme ça. Ah, il est très bien. Je suis en train d'être insensé de ce petit-là. C'est égal, je dis à Blachevelle que je l'adore. Comme je mens, hein, comme je mens. » Favourite fit une pause et continua. « Dahlia, vois-tu, je suis triste. Il n'a fait que pleuvoir tout l'été. Le vent m'agace. Le vent ne décolère pas. Blachevelle est très pingre. C'est à peine s'il y a des petits pois au marché, on ne sait que manger. J'ai le spleen, comme disent les Anglais. Le beurre est si cher. Et puis, vois, c'est une horreur. Nous dînons dans un endroit où il y a un lit. Ça me dégoûte de la vie. » Fin du chapitre 6. Chapitre où l'on s'adore.